L'été passa, puis l'automne, l'hiver vint. Ni M. Leblanc, ni la jeune fille n'avaient remis les pieds au Luxembourg. Marius n'avait plus qu'une pensée, revoir ce doux et adorable visage. Il cherchait toujours, il cherchait partout, il ne trouvait rien. Mais un jour, grâce à un trou dans la cloison qui donnait sur le galetas des Jondrette, Marius découvre que celui-ci est en train d'ourdir un complot. Il en avertit le policier Javert qui lui confie 2 pistolets. La victime attendue était M. Leblanc. Entouré de bandits notoires à cette époque, Jondrette, méconnaissable avec sa barbe, après avoir dévoilé sa véritable identité, Thénardier, le sergent de Waterloo, réclame à M. Leblanc la fillette qui lui enlevait. Il oblige ensuite à écrire un billet à la fille pour qu'elle le rejoigne, et M. Leblanc signe Urbain Fabre. Mais il donne une fausse adresse. Alors que Marius est partagé entre son désir de sauver M. Leblanc et sa fille, et sa promesse de venir en aide à celui qui a sauvé son père à Waterloo, il lance, par son trou d'observation, un papier sur lequel est écrit « Les cognes sont là ». Avant que les bandits n'aient eu le temps de s'enfuir par l'échelle de corde accrochée à leur fenêtre, Javert arrive avec une quinzaine de policiers. Mais M. Leblanc en profite pour s'enfuir grâce à l'échelle de corde. Le lendemain, un enfant était arrivé devant le numéro 5052. « Bonjour la Burgonmuche, je viens voir mes ancêtres. » La vieille répondit que ses parents et ses sœurs étaient tous en prison. L'enfant se gratta derrière de l'oreille, regarda Madame Burgon et dit « Ah !» Puis il pirouta sur ses talons et il repartit dans la rue en chantant.